que Dieu fait. Je vois la mort dans le miroir. Quand je m'égare, tout seul c'est l'ange déchu que je croise dans le noir. J'ai beau prier, c'est sans espoir. J'ai la faucheuse pour compagne, elle guide mes pas et devant Lucifer m'accompagne. Elle m'a promis ma dernière danse, une valse avec mes tripes, ma dernière chance quand j'y pense. Le plus beau de tous mes tripes, hey blip. Je sais que j'ai péché, déchet de la société, mais je succomberai pas à tes vices cachés. Et fais chier, j'en ai vu plus d'un partir trop tôt. Je me rappelle du bête poteau, la mort ne choisit pas que des salauds. Les lois s'effacent, les balles vives règnent sur les hommes qu'elles privent de leur âme. Les larmes qui coulent des joues de leur mère pleurent les fils qui jouaient des armes. L'histoire se trame, la mort s'empresse des pieds, mais pas le drame s'en mêle quand tu y songes. Que tout sombre, tout s'en va. Le destin montre sa voie, t'as beau savoir, tu te feras voir. Note, tous les matins, la mort te sourit dans le miroir. J'ai roulé comme un fou. Toute ma vie j'ai raidé. J'ai senti la mort me frôler de près et à maintes et maintes reprises. J'ai joué, déjoué à chaque instant, évitant son emprise. La faucheuse devant moi m'observe en train de ricaner, m'enfonçant un peu plus chaque jour dans les vices du quartier. Je me dois de résister. J'ai péché plus que j'ai prié. Jamais je n'ai oublié de me relever quand la peine m'a plié. Ma tristesse danse avec les flammes de l'enfer. Si je me perds, mon existence devient un calvaire. Trop tôt les anciens sont partis, des amis aussi. Et aujourd'hui c'est bien pour eux que je dois honorer la vie. Combattre le démon qui nous pousse vers la perdition, nous attire sur un chemin qui n'est pas bon. La mort est son bastion, mes jours sont comptés, la pendule ne fait que tourner. Je dois poursuivre la lutte avant de me voir refroidi à jamais. Je vois la mort dans le miroir, mais je lutte encore car en la vie je garde espoir. De renaître demain sous un meilleur jour, de connaître enfin la paix, l'amour à mon tour. Je vois la mort dans le miroir, mais je lutte encore car en la vie je garde espoir. De renaître demain sous un meilleur jour, de connaître enfin la paix, l'amour à mon tour. Seul devant mon miroir c'est la mort qui se reflète. La faucheuse me guette, j'aperçois sa silhouette. Je l'attends mais cette pute est armée d'une mitraillette. Elle ricane car elle voit bien que je ne suis pas dans mon assiette. Et merde, tout est de ma faute, c'est la vie que j'ai choisie. J'ai commis l'impardonnable avec mes meurtres et mes délits. J'ai suivi la mauvaise route et maintenant j'en paye le prix. Mon jugement est annoncé, ça sera l'enfer et non le paradis. Devant ma glace je tremble, une arme se pousse sur ma tempe. J'ai des crampes mais pas assez de crampes pour me pendre. J'aimerais pouvoir me défendre et aussi pouvoir me détendre. Pouvoir comprendre avant qu'on ne répande toutes mes cendres. Plus les minutes passent, plus mon destin se trace. La mort vient nous chercher, comment ne pas y faire face. J'écris une dernière rime sur cette surface polie. Les démons m'ont ébloui, le diable m'a ôté la vie. Voilà 67 par pente en mode corbillard. Les esprits tournent autour de moi comme dans une putain de foire. Mise en bière programmée pour vendredi soir. Barre au samedi à la barre et la mort dans le miroir. M'accueille sur son territoire en me passant la corde au cou. Pourquoi le ciel reste si noir autour de moi? Tout devient flou, toujours en avance. Personne ne souhaite vraiment mourir. Efface ton sourire, si elle arrive, commence à courir. Dernier soupir, les portes de l'ascenseur vont s'ouvrir. Le toit ou bien la cave, seul Anubis peut choisir. L'élixir de vie s'écoule sur le macadam. La faucheuse sévit, génère sa trame pour ravir les âmes. Vagdal, létal, 21 grammes dans les lames s'étale. Sarcophage de métal, odyssée pour le plan astral. La vie et la mort, le ying et le yang, le jour et la nuit, un couple bancal. Orphée, ne pleure pas, le nécromancien veille sur ta compagne. Je vois la mort dans le miroir, mais je lutte encore car en la vie je garde espoir. De renaître demain sous un meilleur jour, de connaître enfin la paix, l'amour à mon tour. Je vois la mort dans le miroir, mais je lutte encore car en la vie je garde espoir. De renaître demain sous un meilleur jour, de connaître enfin la paix, l'amour à mon tour. Quand je me regarde dans le miroir j'y vois la peine, la peur, de moins en moins la vie. Pourtant qu'est-ce qu'elle est belle, mais rarement elle m'a souri. Elle est partie, depuis mon cœur s'est refermé. Aucune lueur d'espoir car la mort rôde dans les couloirs de ma psyché. Hantée par ses souvenirs, je ne peux m'en détacher. Iblis est sous contrôle. Attendez-vous au pire, attendez-vous au pire, attendez-vous au pire. La mort ne m'effraie pas, je ne la fuis plus. Je lui tendrai la main, le jour venu quand je suis perdu. Je l'imagine, la grande question, je penserai quoi en regardant derrière moi. Tout s'arrête ici-bas, alors je profiterai de vos lavis. Mais je tente le diable, les poltrons me critiquent, mais ils sont pas fiables. Je suis raisonnable, je réclame l'impossible. Ce qui nous tue pas ne rend plus bizarre. J'aime la souffrance et les cauchemars. On se sent vivre quand tout devient noir. La mort m'enivre, elle asphyxie l'espoir.